Okay. J'en ai fait, ouais, c'est vraiment. Je me rappelle cette chanson. My friend. Voilà, ils ont pris une autre tonalité, hein, en ré. My friend got a girlfriend and he has that bitch. He tells me every day. He said I really gotta lose my chick. He's the world's king of bitch. dernière fois. Je me casse. pas siffler dans les micros, c'est pas bon. Allez, The Last, qu'on dit la dernière en anglais.